Toute l'équipe des Bons Plans Solidaires et les anciens participants souhaitent rendre hommage à un de nos chroniqueurs qui nous a quittés dernièrement à l'âge de 38 ans. Damien Besson était un membre de la Dream Team, généreux, engagé et avec des qualités humaines que tout le monde appréciait. Damien, tu vas beaucoup nous manquer, mais on va te retrouver avec plaisir lors d'une fameuse interview dans une de nos émissions. Je suis avec Damien, nos chroniqueurs, qui participe à un trek actuellement depuis début juillet dans les Alpes. Alors on va essayer de voir si on peut avoir la communication. On a essayé tout à l'heure, ça marchait. Damien, est-ce que tu nous entends? Oui, allô Lionel. Bonjour Damien. Comment vous allez à Nancy? Eh ben ça va bien. Et toi dans les Alpes, comment ça va? Bah écoute, génial. Aujourd'hui, on a eu un super temps. Bon, beaucoup de vent. Je sais pas si tu m'entends bien, mais beaucoup de vent. Ouais, on voit, mal. Ouais. Ouais, on entend ouais. Le vent. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ce projet de trek dans les Alpes? Alors écoute, on est parti le 3 juillet. C'est un trek de 19 jours donc en montagne jusqu'au 21 juillet 2021. Et durant laquelle, au final, nous allons réaliser à peu près 250 km. Ah ouais, d'accord. Alors là, vous en avez tout. Là, vous avez fait à peu près 70 km, là, à peu près. Non, on est déjà presque à 120, là. D'accord. Donc ce matin, on est parti de Échalpes, ouais. Un petit hameau à peu près à 1100 et quelques d'altitude. Et là, on se dirige dans un joli petit village à Arbiès. Donc le beau temps, tout va bien pour l'instant. Vous avez trouvé des gîtes ou vous campez? Bah les deux si tu veux, parce qu'il y a des endroits où c'est le désert complet, donc on pose la tente comme on veut. Eh ouais, c'est ça le trek. En tout cas c'est une super aventure, c'est pas la première fois que tu l'as fait. Non, moi pour ma part c'est ma quatrième aventure et pour d'autres personnes du groupe c'est leur deuxième. D'accord. Mais bon si tu veux, on tourne et Rémi, moi, Mamie 4 et Jérôme, plus deux accompagnateurs, mais la plupart des autres marcheurs, eux, ils font ça aussi dans leur loisir perso, ils font beaucoup de rando, donc si tu veux, tout le monde est bien entraîné, quoi. Ouais, il y a un vrai effet de groupe, voilà, c'est en même temps une aventure sportive et une aventure humaine. Puis, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Bon, eh ben écoute, on a eu la communication, on va pas trop insister longtemps. Merci pour l'appel, hein. Oui, bonjour à tout le monde et à bientôt. Ça roule. Salut. Merci. Bisous, ciao. Salut Damien. Allez, émission numéro 59 des Bons Plans Solidaires et en direct, c'est parti, générique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission des Bons Plans Solidaires sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net avec le groupe solidaire actif de l'association Arelia. La Dream Team est prête pour vous divertir de bons conseils, de bonnes infos, de bons plans, mais aussi de musique et des jeux. Allez, je vous présente nos chroniqueurs. Françoise, bonjour Françoise. Bonjour Lionel. Bonjour Khadija. Bonjour Lionel, bonjour Radio Fadjet. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Voilà, alors vous avez bien tous travaillé? Oui. Oui. Alors, c'est parti, jingle. Et on retrouve tout de suite Alain qui va nous parler d'une belle initiative qui est le Lopin de Léo à Maxiville. C'est à toi, Alain. Le Lopin de Léo, jardin partagé créé par la mairie de Maxiville, se situe au Champ-le-Bœuf, derrière le gymnase Léo le Grand. Projet de cette association pour cultiver légumes et épices, pour préparer un grand repas en fin de saison. La première étape, c'est de choisir 2 à 3 plats, a été retenue. Le pot-au-feu, une grande salade proposée, un plat africain. Émilie, la coordinatrice du Lopin de Léo, va acheter des graines et nous allons préparer sous une serre, les semis, et nous allons préparer notre parcelle de jardin. Je reviendrai chaque mois vous raconter notre aventure et les avancées de notre projet. Les associations qui font partie du projet sont le Lopin de Léo, la MJC de Maxiville, Jeunes et Cités, AVS, Champ-le-Bœuf, Association des traumatisés crâniens et le GSA, Réveillez-vous, la nature a besoin de vous. À bientôt. Merci Alain, super chronique et super initiative. Donc tu nous tiendras au courant tous les mois de ce qui comment ça avance. Alors, on poursuit l'émission avec Khadija. Khadija, tu vas nous parler, nous, des fêtes foraines de Vendeuvre et de Nancy, car c'est la saison qui démarre. Oui, Lionel. Bonjour, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce le retour tant attendu de la grande foire de Nancy. Pour sa 685e édition. Un événement incontournable qui marque l'arrivée du printemps dans la ville. La fête a débuté à Lunéville du 6 février au 10 mars, puis s'est déplacée à Vendeuvre-les-Nancy du 2 au 17 mars. Elle sera annoncée du 29 mars au 28 avril 2024 à la place Carnot et le cours Léopold. Seront le théâtre de cette célébration vibrante et animée. La foire qui remonte à 1339, une tradition printanière ancienne, qui continue de séduire les habitants de Nancy et les visiteurs de tous âges. Avec ses manèges, ses attractions et ses stands de jeux, elle offre des moments de divertissement mémorables pour toute la famille. De trampoline jumpé au Space VR, en passant par la grande roue et les manèges traditionnels. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. De plus, pour rendre cette expérience encore plus accessible, des journées à tarifs réduits sont proposées chaque année. Cette année, elles auront lieu les mercredis du 10 et du 24 avril. C'est l'occasion parfaite pour profiter des attractions et des manèges à petit prix en famille, en entre ou autres amis. Pour ne rien manquer de cette aventure excitante, rendez-vous à la place Carnot et au cours Léopold du 29 mars au 29 avril 2024. Et n'oubliez pas de suivre les dernières actualités sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à partager des instants de bonheur au cœur de la fête foraine de Nancy. La grande foire vous attend pour une expérience pleine de rires, de frissons et de magie. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Khadija, super chronique. Bon, t'as vraiment tout dit. Je rajouterai juste une dernière chose. Je crois que sur la fête foraine, chaque année, il y a une journée réservée aux handicapés. C'est le jour de la fermeture, je crois, de la dernière semaine. Vous pouvez vous renseigner auprès des liens que vous a donné Khadija, ou sinon même à l'Office du Tourisme. Voilà, c'est une journée qui est un après-midi qui est gratuit pour toutes les personnes handicapées qui viennent soit d'établissements, soit à titre personnel. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de dire que le jeudi, la foire, elle sera fermée. Voilà, le jeudi. Fermeture hebdomadaire le jeudi. Bon, moi j'ai déjà réservé ma barbe à papa, le grand 8 pour Alain, le tir à l'arc, et puis déjà, on va attendre la fin du ramadan. Allez, il est temps maintenant de retrouver Françoise. Alors Françoise, toi tu vas nous donner un super conseil pour bien s'endormir le soir et passer de bonnes nuits si possible. Bonjour à tous les auditeurs de Fagette. Je vais vous parler du fléau du siècle, le manque de sommeil. De nos jours, on a du mal à s'endormir par rapport aux soucis ou au stress de la vie de chacun, que l'on soit jeune ou moins jeune. Un bon conseil, le soir il faut éviter de regarder la télé trop longtemps et l'ordinateur à la place. Il vaut mieux écouter de la musique douce ou lire une belle histoire. Je vais vous parler de l'huile essentielle. Ce sont des produits naturels comme la lavande. Vous posez sur l'oreiller quelques gouttes. Je connais des produits à base de plantes en gélules, comme la valériane qui est très bon et qui est détend. Il y a beaucoup de choix comme la mélatonine, le millepertuis, aussi la passiflore, le houblon, la mélisse, l'aubépine, la balotte, l'escolzia. Il existe des produits forts et moins forts. Tout, et je vous conseille de tester quelques jours après trouver le bon dosage qui vous convient le mieux à chacun. En ce moment, je suis en train de tester la balotte. Cela fonctionne bien pour moi, pour l'instant. Il existe aussi des personnes sensibles à la pleine lune et peut nuire au sommeil. Il y a aussi l'âge qui peut perturber le sommeil et dormir une nuit en plusieurs phases. Eh ben merci Françoise. C'est vrai que les produits naturels, et notamment tout ce qui est huile essentielle, ça facilite l'endormissement. J'ai essayé la lavande hier, ça a marché sur l'oreiller. Ouais. Et deux gouttes, j'ai pas eu d'asthme. Voilà. Alors, essayez la lavande sur l'oreiller, messieurs, dames. faut rester avec des doses minimalistes. Et ça facilite l'endormissement. Hein. Ça ne fait pas dormir, ça facilite l'endormissement, ça décontracte le corps. Et là, on se sent mieux pour dormir. Merci beaucoup, Françoise, pour cette belle chronique. Et maintenant, il est temps de faire notre première pause musicale. Le printemps arrive dans quelques jours. Alors, on va écouter Michel Fugain et sa chanson « Le printemps » et on se retrouve juste après. Cette chanson qui nous a mis de bonne humeur, le soleil revient un peu sur Nancy, donc on en profite, le printemps est arrivé, ou du moins très bientôt. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net dans l'émission Les bons plans solidaires. Nous attaquons la deuxième partie de notre émission et nous allons retrouver Khadija qui va nous parler de quelque chose d'important à ce moment de l'année qui est le Ramadan et la fête de l'Aïd. Oui, Lionel, cette semaine marque le début du Ramadan qui commence le 11 mars et se terminera autour du 9 au 10 avril, marquant ainsi la rupture du jeûne à la célébration de l'Aïd al-Fitr. Il s'agit d'une des plus belles fêtes de l'année pour la communauté musulmane. Dans de nombreux foyers à travers le monde, les familles se réveillent tôt pour accomplir la prière spéciale de l'Aïd. C'est un moment de gratitude et de réjouissance où le cœur se remplit de joie à la perspective de partager ce jour béni avec leurs proches. Après la prière, les festivités commencent. Les maisons sont décorées, les tables sont adressées avec soin et les délicieuses odeurs de plats traditionnels emplissent l'air. Mais au-delà de M. Culion, il y a quelque chose de particulièrement spécial à propos de l'Aïd. Les gâteaux de l'Aïd, appelés les petits gâteaux de l'Aïd. Ou les gâteaux de la fête, sont une tradition bien aimée, préparée avec amour et attention. Ces délices sucrés sont souvent partagés entre voisins et amis, renforçant ainsi les liens de camaraderie et de solidarité au sein du quartier. Ce qui rend cette tradition encore plus belle, c'est qu'elle transcende les frontières culturelles et religieuses. En France, de nombreux voisins non musulmans se joignent à leurs amis musulmans pour célébrer l'Aïd. Échangeons des sourires, des souhaits chaleureux et bien sûr des délicieux gâteaux. En cette journée spéciale, souvenons de l'importance du partage, de la générosité et de l'unité. Que cette journée soit emplie de bénédictions, de bonheur et de paix pour vous et vos proches. Bonne fête, Eid Mubarak. Merci Radija. Voilà une belle chronique. Et 2 kilos au minimum à la fin de la soirée de l'Aïd. Et maintenant, il est temps de rejoindre Alain. On est parti dans la gourmandise, alors continuons. Alain viendra à la fête de l'Aïd en nous préparant une brioche délicieuse et facile à faire. C'est à toi, Alain. Une pâte à brioche rapide et facile. Temps de préparation, 15 minutes. Temps de cuisson, 25 minutes. Pour cela, il faut 350 g de farine pour la brioche, 175 ml de lait, 350 g de beurre fondu, 2 sachets de levure, 1 cuillère à café de sel fin et 1 cuillère à soupe de sucre blanc ou de canne et un œuf cru. Bien mélanger les ingrédients, mettre dans un moule à cake, beurrer le moule. Cuisson 20 à 25 minutes. Vous pouvez mettre des fruits confits, du raisin sec ou des pépites de chocolat. Bonne cuisson, à bientôt les gourmands. Je sens déjà la brioche qui sort du four. C'est délicieux, encore un kilo de plus. Bon, il est temps de rejoindre maintenant Françoise et notre page cinéma, puisque Françoise va plusieurs fois dans le mois, tous les mois au cinéma. Elle va nous parler de la sortie d'un film qui est toujours à l'écran, qui s'appelle... Je suis allée voir Inch'Allah, un fils au cinéma. Jordanie, de nos jours, après la mort soudaine de son mari, Nayal, 30 ans, doit se battre pour sa part d'héritage afin de sauver sa fille et sa maison. Dans une société où avoir un fils changerait la donne. Un film actuellement à l'écran de Amjed à Razed. Et l'actrice principale, Mouna Yahya, joue, rebarque comme le moment bien, il y a du suspense comme dans un thriller. Ce film obtient des critiques de cinéma, une note 4 sur 5. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé, les images sont belles, les actrices jouent très bien. Ce film résume bien la difficulté des femmes à être reconnues dans la société. Ce film est encore à l'affiche au Caméo Commanderie. Je vous conseille d'aller au plus vite. Merci Françoise pour cette belle chronique et ce film, évidemment, qu'on vous conseille d'aller voir. Eh bien, il est temps de faire notre deuxième pause musicale. L'émission avance vite. C'est les 40 ans d'une chanson très connue, tirée d'un film qui s'appelait SOS Fantôme. La chanson s'appelle Ghostbuster. C'est de Ray Parker Jr. On l'écoute tout de suite, on se retrouve juste après. Ghostbusters! If you have a dose of a freaky ghost, baby, you Cette chanson de Ray Parker Jr., nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'émission. Vous êtes toujours sur les bons plans solidaires sur Fadjet 94.2. Alors, nous allons démarrer notre jeu, les anniversaires des célébrités. Dream Team, vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! Allez, c'est parti. Alors, la première célébrité est née le 16 mars 1989 à Clamart. Il aura donc 35 ans le 16 mars prochain. Il a grandi dans le 13e arrondissement de Paris. Il est issu d'une famille riche. Son père, Yves, est avocat et producteur de cinéma. Sa mère, elle, a travaillé comme porte-parole de l'industrie Boeing. Il a fait ses études à Paris, mais aussi il a fait du théâtre. Vous avez des questions ? Je vous vois complètement... Oui, c'est un homme. Oui, mais... 30 ans ? 35 ans. J'ai pas d'idée. Hein. Non, on continue. Il a rejoint le Parti Socialiste en 2006. Puis le mouvement En Marche en 2016, puis le parti La République En Marche, puis le parti Renaissance. Nommé secrétaire d'État en 2018, puis ministre de l'Éducation nationale quelques mois, avant d'être nommé Premier ministre depuis janvier de cette année, c'est... Attal. Oui, Gabriel Attal. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait nous dire le général de Gaulle. On continue, on passe à notre deuxième célébrité. C'était compliqué, là c'est plus simple. Alors, notre deuxième célébrité, il est né le 30 mars 1945 à Ripley, une petite ville à 45 km de Londres. Il aura donc 79 ans. Il est anglais, il est guitariste de rock... Il est l'un des plus grands de sa génération. Il a joué avec plus de 200 artistes dans tous les domaines musicaux, sauf la musique classique, et a même co-composé une chanson des Beatles sans figurer son nom, sans que son nom soit figuré sur l'album. Il a sorti 24 albums studio et presque autant d'albums live. Si je vous dis que ses tubes sont Layla, Wonderful Tonight et Cocaine, vous allez me dire que c'est... Elvis Presley. Non. Pas loin. Eric Clapton. Oh. Don't forget this fight. Can't get back. Cocaine. She don't lie. She don't lie. She don't lie. Cocaine. Et on passe à notre troisième invité, célébrité, mystère, qui est né le 28 mars 1986 à Manhattan, à New York. Elle va donc avoir 38 ans. Son vrai nom est Stéphanie Germamotta. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle a fait ses débuts sur la scène du Lower East Side avant de sortir son album The Fame en 2008 et sort deux titres célèbres, Just Dance et Poker Face. Elle varie les styles avec du rock, du pop rock, du jazz et dernièrement de la country. Elle est aussi actrice, très connue pour ses excentricités. Elle a à ce jour récolté 13 Grammy Awards. C'est la foule en délire, répond Lady Gaga. Can't read my poker face. She's got my première célébrité. Attention, c'est son anniversaire, donc à ce mois de mars. Je suis un personnage de fiction, créé en 1925 par Hubs Rex des studios Disney. Pour John Grant, il détient le record du personnage de Disney le plus longtemps utilisé. Attention, malfaiteur, spécialiste d'entreprises malhonnêtes en tout genre, arnaqueur, ce gros chat noir s'est rapidement imposé comme l'un des méchants les plus redoutables de l'univers de Mickey Mouse. Bien que le personnage soit né avant Mickey, car Mickey est né en 28 et lui il est né en 25. On le surnomme aussi Pat ou Black Pete chez Disney, mais en français, il porte le nom d'un adjectif, c'est... Oh, j'avais au bout de la langue. Pat... Patibulaire. Eh bien voilà, notre émission des bons plans solidaires se termine. On va remercier toute la Dream Team qui a participé activement à la réalisation de cette émission. Merci à Khadija. Merci Lionel. Merci Alain. Merci tout le monde. Merci Françoise. Merci à tout le monde. On se retrouve quand ? Bah, le mois prochain. Ou bah, ici. À quelle heure ? Eh bah, à 12h30. Toujours à la même heure. Pour une nouvelle édition des bons plans solidaires. Allez, on va vite aller à la fête. Manger une bonne barbe à papa. Bonne journée à vous. Dans quelques instants, le Très en Forme et les émissions de Fadjet qui se poursuivent. Rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir.